Activité 12B. 1. Je vais prendre une entrée. 2. Du jambon, vous en avez? 3. Deux oranges pressées pour commencer. 4. Du melon au jambon, du thon à l'orange, du saumon au beurre blanc et du flan au potiron.